Histoire vivante nous emmène toute cette semaine dans la guerre du Golfe. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Le nourrisson était né à terme, un peu poupin, certes, mais d'un tempérament fort jovial. L'encrier couleur 3 n'était pas si éloigné. Depuis, la chose a évolué, varié, bref, a continué. Merci de votre écoute, de votre fidélité et bon été à tous. Rendez-vous à la rentrée. Se porteront donc sur Genève ce matin. La guerre ou la paix, c'est aussi simple, c'est aussi grave que cela. Nous n'avons aucun grief ni ressentiment à l'égard du peuple irakien. Notre problème, c'est son gouvernement. Tout ce matin, l'exode a repris. Histoire vivante, cette semaine, les dessous de la guerre du Golfe. La guerre est à nouveau entrée dans la vie des Irakiens. Je pense qu'on ne peut plus pratiquement rien faire. Je crois qu'on a sous-estimé d'ailleurs la détermination depuis le début de Saddam Hussein. De la crise de Suez à la tempête du désert. 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Les sirènes viennent de retentir dans tout Israël. Avec les Marines, on a pris le Koweït en 24 heures. L'armée de terre a traversé le sud de l'Irak et l'a pris aussi en 24 heures. Chapitre 1. Qui a le premier parlé du tiers-monde ? Eh bien, c'est l'historien Alfred Sauvy. Alfred Sauvy qui, dans le numéro 118 de l'Observateur du 14 août 1954, en page 14, écrit ceci. Nous parlons volontiers des deux mondes en présence, entendez le monde occidental et le bloc soviétique, de leur guerre possible, de leur coexistence, etc. Oublions trop souvent qu'il en existe un troisième, le plus important et en somme le premier dans la chronologie. C'est l'ensemble de ce que l'on appelle, en style Nations Unies, les pays sous-développés. Ce qui importe à chacun des deux premiers mondes, c'est de conquérir le troisième, ou du moins de l'avoir de son côté. N'entendez-vous pas sur la côte d'Azur les cris qui nous parviennent de l'autre bout de la Méditerranée, d'Égypte ou de Tunisie ? Pensez-vous qu'il ne s'agit que de révolutions de palais ou de grondements de quelque ambitieux en quête de place ? Non. Non, la pression augmente constamment dans la chaudière humaine. Car enfin, ce tiers-monde ignoré, exploité, méprisé, comme le tiers-État, veut lui aussi être quelque chose. Et c'est ainsi que, transposant la phrase de l'abbé Sieyès, « Qu'est-ce que le tiers-État ? Tout. Qu'a-t-il été jusque-là ? Rien. Que veut-il devenir ? Quelque chose. » Alfred Sauvy évoque, prononce ou tout au moins écrit pour la première fois, les mots de tiers-monde. Après le tiers-État, c'est le tiers-monde. À partir des années 50, la scène internationale évolue rapidement. Un mouvement d'indépendance et de nationalisme souffle dans les anciennes colonies françaises et anglaises. La France semble anachronique par rapport à cette tendance décolonisatrice. La France, elle tient à tout prix à l'Algérie, où vivent à l'époque près d'un million de Français. Et c'est dans ce contexte que l'électorat français confie le pouvoir au Parti socialiste de Guy Mollet. C'est alors que M. Christian Pinault est nommé nouveau ministre des Affaires extérieures. Il s'installe au Quai d'Orsay. Le ministre français des Affaires extérieures, lors d'un voyage au Pakistan, s'arrête à son retour en Égypte. Pourquoi l'Égypte ? Le voyage du ministre avait pour objet jusque-là la signature d'un traité avec l'Asie du Sud-Est. Alors, pourquoi l'Égypte ? C'est que dans les milieux politiques, on pense que le président d'Égypte, le colonel Abdel Nasser, le Raïs, soutient, à partir du Caire, la cause algérienne. Christian Pinault doit rencontrer Nasser et s'expliquer avec lui sur cette affaire. Cette rencontre aura bien sûr lieu, mais loin des yeux, des regards et des oreilles des journalistes. Dans l'Égypte des années 50, Farid el-Atrache joue du luth comme un dieu. Toutes les femmes pleurent en entendant Yagamil. C'est une ode à la beauté. Chapitre 2. L'Égypte roule pour elle et ça fâche un petit peu. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Christian Pinault, vient donc de rencontrer le président égyptien Gamal Abdel Nasser pour s'entretenir avec lui sur la délicate question de la cause algérienne. À sa sortie, Monsieur Pinault rapporte que le Reis lui a donné sa parole qu'aucune aide, ni matérielle, ni logistique, n'était fournie aux rebelles. Il n'en demeure pas moins que les Français conservent de sérieux doutes sur la coopération égypto-algérienne. Monsieur Nasser, au pouvoir depuis 1954, désire, lui, rétablir les finances de son pays, ainsi qu'il veut unir les pays arabes contre Israël. De plus, il nourrit le projet d'une création d'un barrage hydroélectrique sur le Nil, le barrage d'Aswan. La réalisation de ce projet nécessite l'apport de capitaux étrangers. Cependant, Nasser ne va pas recevoir ce financement. Le 19 juillet 1956, les États-Unis refusent de participer au projet. Le lendemain, c'est la Grande-Bretagne qui retire également son aide économique. Le 26 juillet, le président Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez. « 120 000 de nos enfants ont péri en travaillant comme des esclaves pour creuser le canal. Notre investissement, au moment de sa fondation, s'élevait à 8 millions de livres. Le canal est un canal égyptien, une compagnie à action égyptienne. La Grande-Bretagne nous a spoliés de nos droits à hauteur de 44% des actions sans débourser un seul centime. Elle s'est appropriée ses actions et a détourné de l'argent en plus. La France et la Grande-Bretagne, qui jusqu'alors géraient les affaires du canal de Suez, ne tardent pas à réagir, ulcérés à l'idée que Nasser ait pris l'initiative de nationaliser la compagnie de Suez. Dès lors, on va parler de crise de Suez. Cette crise, comme toute crise politique, se devra d'être résolue par la voie diplomatique. Et l'on va s'apercevoir, concernant la France, qu'entre les discours officiels de la politique étrangère et la réalité sur le terrain, il y a un gouffre. En fait, cette crise de Suez permet de constater qu'en politique extérieure, il y a souvent deux versants. L'un officiel, appelons-le la version ONU, c'est-à-dire les ententes, traités, documents et comptes rendus de conférences qui émanent d'un gouvernement et qui sont rendus publics. We cannot agree with an act of plunder which threatens the livelihood of many nations. The President, on Monday, October the 29th, Her Majesty's government are ordering their forces. I believe this campaign so far. Les témoignages des prisonniers, comme de tous les observateurs, sont unanimes. Et l'autre versant, secret, celui-là, fait de tractations multiples. C'est dans l'interstice de la sécurité d'État ou de la raison d'État, comme vous voudrez, que se nichent les moins ragoûtantes tractations. Ce qui va être le cas pour la France en 1956 se révélera identique 30 ans plus tard pour les États-Unis lors de la guerre du Golfe. Au fond, on le sait, la guerre n'est jamais que la continuation de la politique par d'autres moyens. Découverte dans les parages du port de Tunis, Saliha chante « L'amour, la mort ». Là, il s'agit de « Frag Razali », la séparation d'avec mon amour. شعلت النار عليك ما محرقة في حصيدة حصيدة على والفتيمي من الانظار ورحلتها لغريدة رحلوا بيها سود الدنيا Chapitre 3. Va et vient entre Londres et Paris. Du 26 juillet au 15 août 1956, où la colère rouge d'un gouvernement rose. Au lendemain du décret nationalisant le canal de Suez, la colère s'installe au sein des cabinets français et anglais. Le Quai d'Orsay, le Foreign Office ont au fait de condamner la décision de Nasser. Dans un premier temps, le ministre français souhaite, à l'instar de son homologue britannique, que se tienne une réunion tripartite entre Britanniques, Français et Américains dans le but d'évaluer la situation. Il écrit « Je suis d'accord pour une réunion à trois, le plus tôt possible. » Mon voyage à Londres lundi pourrait en être l'occasion si Jules peut être atteint et nous rejoindre. En fait, chacun tient à connaître les positions des deux autres alliés avant de prendre des décisions. C'est classique, mais ça marche toujours. Les Américains, eux, entretiennent le vague, restent prudents dans l'élaboration de leur politique étrangère, d'où la naissance d'un malentendu dans le camp occidental. Nous allons y revenir dans quelques instants. En fait, ce que veulent les Américains, c'est calmer les ardeurs belliqueuses des Français. De même, ils conseillent à ces derniers de ne pas recourir à l'ONU où tout projet de résolution serait bloqué par un veto soviétique. Le 28 juillet, la position américaine se dessine davantage. Le gouvernement américain serait extrêmement réticent à s'associer à mesures prises en raison de violations par l'Égypte de la concession. Quant à un possible recours armé dans la région, les Français n'y sont favorables pour l'instant que si les Britanniques y participent. Télégramme de M. Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères français, à M. Chauvel, ambassadeur français à Londres. Concernant action militaire éventuelle, souhaiterait être informé des positions que cabinet anglais adoptera à ce sujet. France, spécialement menacée par menace proférée par colonel Nasser à propos de l'Algérie. Dictateur égyptien tente épreuve de force. En cas de victoire, conséquences incalculables au Proche-Orient et pour les affaires de pétrole. Mais la France, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes, va aussi se prendre les pieds dans le tapis. Afin de neutraliser toute activité sur le canal, l'administration française incite le 28 juillet la compagnie pétrolière Compagnie Universelle du Canal à demander à ses employés de cesser de travailler pour la nouvelle autorité égyptienne. Toutefois, cette directive est subtilement mise de côté deux jours après. Le 1er août, le ministre des Affaires étrangères français fait savoir à la compagnie l'importance qu'il attache au bon fonctionnement sans heurts du canal et par la suite au maintien en service de tout le personnel européen. En fait, le Quai d'Orsay s'est rendu compte que, sans les pilotes pour assurer le transit, il faudrait que les pétroliers passent désormais par le Cap. « ce qui entraînerait un rationnement du pétrole en France, ce à quoi elle n'est pas encore préparée. C'est pourquoi il faut d'abord évaluer les stocks en réserve. Et puis, il apparaît important que les gouvernements français et anglais n'apparaissent pas comme étant à la source du départ des ouvriers de la compagnie. Et le 3 août, le ministre français fait savoir à ses interlocuteurs américains et britanniques que pour éviter une trahison des devoirs du personnel aussi bien qu'un sabotage, le personnel devra indiquer son désir d'être rapatrié et n'accepter de continuer le travail que sous la contrainte. D'autre part, de pair avec les Britanniques, les Français décident de continuer à défrayer les paiements du transit à la compagnie et non au Caire. Par contre, les Américains qui, eux, n'ont aucun intérêt à recourir à une telle décision, ne le font pas. Le ministre français de la Défense, et donc des armées, quant à lui, ne s'embarrasse pas de subtilité. Il déclare... Paris est décidé à intervenir militairement dans les plus brefs délais, si possible avec les Anglais, éventuellement sans eux. Dans l'hypothèse où le gouvernement anglais ne nous suivrait pas ou souhaiterait attendre les Américains, nous nous battrions avec le concours d'Israël. Finalement, les Anglais s'engagent dans l'engrenage militaire, les généraux anglais se montrant sans enthousiasme et les pieds sur le frein. Ce qui n'empêche pas Anthony Eden, le premier ministre du Royaume-Uni, de déclarer le 8 août 1956 « We shall do all we can to help its work. But this, I must make clear. Nous devons tout faire pour aider à sa réussite. Je dois l'affirmer clairement, nous ne pouvons accepter que l'on puisse tolérer un acte de pillage qui menace la vie de plusieurs nations. To be allowed to succeed. And we must make sure that the life of the great trading nations of the world. Nous devons nous assurer que la vie des grandes nations commerciales du monde ne puisse être étranglée à l'avenir à n'importe quel moment par une interruption de la liberté de passage par le canal. Telles sont nos intentions, je suis sûr qu'elles recueilleront votre appui. I'm sure that they will command your support. Autrement dit, la crise du pétrole, elle passera pas par ici, non mais. Mais ça risque d'être une autre paire de manches. Petite Yolanda, calabraise, est née dans les faubourgs du Caire. En 1956, elle chante Bambino. Devant le micro, elle s'appellera Dalida. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme. Sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, bambino, bambino, tu as l'air d'un chérubin. Bambino, bambino, va plutôt jouer au ballon, bambino, bambino, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme elle est grand. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera. Du 16 au 23 août se tient à Londres la première conférence internationale sur la crise de Suez, conférence à laquelle ne prendront part ni la Grèce, pour cause de différends avec Londres sur la question de Chypre, ni l'Égypte, l'Égypte qui a fortement agacé les Français et les Anglais en décrétant la nationalisation du canal et de la compagnie qui s'y rattache. Chapitre 4. À qui c'est le canal de Suez ? Eh bien, après les pharaons, après Bonaparte et les Saint-Simoniens, Ferdinand de Lesseps, ancien diplomate français, ancien vice-consul à Alexandrie, rêve d'unir la Méditerranée et la mer Rouge en creusant un canal direct. Il obtient les autorisations de son copain, le vice-roi d'Égypte, et fonde peu après la Compagnie universelle du canal maritime de Suez. La compagnie a le droit de construire, d'entretenir et d'exploiter le canal maritime pour une durée de 99 années à compter de l'achèvement des travaux et de l'ouverture du canal maritime à la grande navigation. Des souscriptions sont immédiatement proposées dans les principaux pays du monde. Résultat, les souscripteurs français prendront 52%, le vice-roi d'Égypte 44%. Ces actions sont ensuite vendues au gouvernement britannique, qui à l'origine est hostile au projet. Et enfin, des souscripteurs divers à hauteur de 4%. L'isthme de Suez met 10 ans à être percé et ouvre en 1869. Voilà 100 ans que ça dure, et pour l'Égypte, ça peut plus durer. Déjà 9 ans de carrière pour Ray Charles en 1956. Cette année-là, il chante son hit Lonely Avenue. Now my room has got two windows, but the sunshine never comes through. You know it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Sad and blue, and it's all because of you. I could cry, cause I live on Lonely Avenue. Oh, Lonely, yes, sir. Avenue. Now you know my covers, they feel like lead, and my pillow, it feels like stone. Well, I toss and turn, so every night I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue. You know it's all because of you. I could cry. Cause I live on a lonely avenue. Yes, sir. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.